passe tous ces accords en moins. Alors c'est mi, ré, do, mi, ré, do. Thank you. Thank you. piano. Il est où le piano? mesdames et messieurs, Mr. Paul Mac. Thank you. ces accords, tu vois. Thank you. Perfect. Ça fait chier les films. bassiste, c'est le bassiste qui rappe. Oula, le bassiste qui arrive. Tu parles, ouais. C'est facile avec une basse qui a 4 lettres, Korg. Okay.